Adieu donc ma douce amie, il me faut partir sans bruit, je vais me vêtir sans bruit. Si profonde est la rivière de ce lit, de ton domaine, et vogue la galère, je t'aime. La marée n'attendra pas, ni le timonier à terre. J'ai pris mon dernier repas. Boire en toi me désaltère, mais se tarit la fontaine, vogue la galère. Tu vas pleurer, mais demain, déjà, pour un autre, montera la marée. J'ai toujours été sincère, toi aussi, c'est la rengaine, et vogue la galère. Tonnelle, ton cou. J'ai encore la bouche amère, c'est trop court, une semaine, et vogue la galère. Je sous la tonnelle, ton cou. C'est folie, je reste à terre. Tant pis pour le capitaine, et vogue la galère.